Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué ? Depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. Pendant les très belles reprises, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 euros. Offre cumulable avec les 1 000 euros de prime à la conversion de l'État. Détails sur offre.peugeot.fr. Moi, je suis née en 1943. Paulette Garcia, Arnardi. Je suis originaire de Perregaux. Maman était donc de nationalité française et papa était espagnol jusqu'en 1943, date à laquelle il a opté pour la nationalité française. Et mon père était maçon, ouvrier maçon. Et maman, ben, quand il y avait la saison des oranges, maman était emballeuse. Jusqu'à là, jusqu'à ce que, au moment où la guerre d'Algérie a commencé, j'avais 11 ans. Donc, c'était l'insouciance. J'habitais dans une cour, parce que c'était le système espagnol, hein. Une cour dans laquelle on était facilement 32 enfants. Dans la cour, il y avait ce qu'on appelait la gitane. Il y avait les pieds noirs. De toute façon, il y avait pratiquement que des Espagnols. Et il y avait une famille aussi de Français de souche nord-africaine. Il y avait Mokhtaria, qui avait deux enfants, Kadour, et ma grande copine, qui avait le même âge que moi, Zoliha. Donc, on vivait tous ensemble, voilà. Et quand il y avait des petits malheurs chez les unes ou chez les autres, ben, il y avait toujours une très, très grande solidarité. Je suis née dans la région de Loranais, à Saint-Denis-du-Sigue. Farida Fréat. Mon père était à l'époque donc facteur. J'étais formée en tant que monitrice d'anciennement ménager avant de connaître le service de formation des jeunes. Des femmes au service de la formation des jeunes filles dans la guerre d'Algérie. Un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Français d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés à 100%. À la même heure, dans toutes les villes d'Algérie, j'habitais dans un village où les trois quarts c'était des communs. Myriam H. Mon père, mon grand-père, c'était des grands cultivateurs. Et c'est vrai, je suis issue d'une famille vraiment bourgeoise. C'était un bon village, on était heureux. Mon père était gérant de ferme, mais c'était un gérant, c'était pas un propriétaire. Marie-Jeanne, Simon Villalba. Il était dans les vins. Et mon père ne voulait pas que je travaille au supermarché, il fallait pas travailler, il fallait travailler à la maison. Je suis née à Crépin en 1934. Paul Le Saff, janvier. Et mes parents sont partis en octobre en Algérie, à Bougy. Donc j'avais 9 mois. Papa était douanier. Donc là, en Algérie, on a fait Bougie, Oran, Alger, Philippeville, Alger. Le SFJA, Service de formation des jeunes en Algérie, est créé entre la crise du 13 mai 1958 et l'annonce par De Gaulle, à Constantine, du lancement d'un plan de développement économique et social en Algérie. Cet organisme, à la fois civil et militaire, est pensé dans le cadre d'une action de pacification, gagner les faveurs des populations civiles pour les attirer vers le modèle d'une Algérie nouvelle liée à la France. Le SFJA fait ainsi de la formation des garçons et des filles une priorité face à un déficit évident de la scolarisation des enfants musulmans. En 1954, plus de 80% d'entre eux ne sont pas scolarisés. 400 jeunes femmes, issues de toutes les communautés présentes en Algérie, sont formées à Nantes et affectées en Algérie dans différents foyers, souvent localisés en zone opérationnelle. Quelques-unes d'entre elles, regroupées aujourd'hui au sein d'une association de vétérans du SFJA, reviennent sur leur motivation, la manière dont elles concevaient à l'époque leur mission, leur enthousiasme, mais aussi les dangers encourus dans cette Algérie en guerre. Ma sœur travaillait à la SAS, les sections administratives spécialisées, et le lieutenant de la SAS recrutait des monitrices, cherchait des jeunes filles pour travailler, pour s'engager dans ce service. Donc j'ai eu l'information par le biais de ma sœur. Tout de suite, j'ai informé les filles avec qui j'étais à l'école Marie Curie. C'était une école où on nous préparait au CAP de couture floue. Donc pour vous, en fait, c'était une opportunité? Absolument. Ça nous offrait l'occasion de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en Algérie. Moi, je pouvais être que essayer de travailler chez une couturière ou voilà, donc c'était restreint. J'allais souvent au patronage et là, mon curé m'a dit « Mais j'ai quelque chose de très bien pour toi ». Il me dit « Tu sais très très bien parce que bon, j'ai vécu dans des fermes puisque mon père travaillait le vignoble ». Et je côtoyais souvent des musulmans, tout le temps. C'était naturel pour moi, c'était mes amis. Toute gosse, je jouais avec eux, j'allais au douar comme si c'était chez moi. Et bon, alors il a trouvé que ça, ce serait bien pour moi de venir en aide à des enfants illettrés. Et ça, ça m'a beaucoup plu, mais sans me dire que c'était de l'armée. À la TSF, j'ai entendu, en 58... qu'on demandait des personnes ayant un brevet des CAP pour rentrer au CFJA. J'habitais la douane, près de la rue de la Ferrière, c'était à même pas 300 mètres. Je suis allée là, j'étais la première inscrite. J'ai donc rencontré une ancienne monitrice qui m'a donc parlé du service de formation des jeunes en Algérie. Et je lui ai bien précisé, est-ce que ça concerne bien l'armée ou pas ? Elle m'a dit que non. Parce que du coup, Farida Fréat, ça vous aurait... vous auriez eu un petit peu, peut-être, de recul par rapport à un engagement avec les militaires. Disons que ce que mes parents ont vécu pendant le début de la guerre, aussi bien en torture, malheureusement par l'armée, hein, si bien mon père qu'une de mes sœurs aînées. Donc je ne pouvais pas non plus imaginer, moi, m'engager ou de notre côté. Mon père, c'était un homme très neutre. Et puis, il était quand même dans l'administration. Hein. La guerre étant ce qu'elle a été, on n'a pas fait le tri. Hein. Mais des fois, d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc j'en ai parlé donc à mon père. Et mon père a accepté. Je lui ai donc dit que c'était un stage que j'allais faire donc, à Nantes. Et qu'après, donc, on allait travailler dans des foyers de jeunes. Et qui avait peut-être une continuité dans ce que moi j'avais appris en tant qu'école ménagère, et que ça pouvait aussi être une formation pour les autres. Quand on est en 1957-1958, il y a, au moment du 13 mai en fait, hein, et sous l'autorité de Salan... Luc Capdevila, historien. Il y a en effet l'idée de créer un service chargé de coordonner toutes les actions qui ont été menées par l'armée en matière d'encadrement de la jeunesse, et principalement, une fois encore, en matière d'encadrement des garçons. C'est comme ça que naît ce service de formation des jeunes en Algérie, en gros, entre l'été 58 et puis décembre 59. Mais là, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que au même moment, il y a une volonté de la part du pouvoir exécutif de Paris de reprendre la main en Algérie, et on voit évoluer le projet de SFJA, qui, dans un premier temps, a été pensé pour la contre-insurrection, dans le cadre de la pacification, et qui évolue très vite vers l'idée que ce service aurait finalement pour finalité d'accompagner l'éducation nationale dans son travail d'extension de la scolarisation à l'ensemble des jeunes en Algérie dans un temps relativement court. L'idée, c'est que d'ici 1965, tous les jeunes en Algérie doivent être scolarisés. Et donc les garçons comme les filles. Et le rôle qui est attribué au SFJA, à ce moment-là, c'est de travailler en partenariat ou en collaboration avec l'éducation nationale pour intervenir là où l'éducation nationale n'intervient pas. Alors elle n'intervient pas pourquoi ? Parce que d'une part le travail n'a pas été fait depuis le 19e siècle et qu'il y a des territoires entiers qui ne sont pas couverts par l'éducation nationale et qui peuvent être des territoires dangereux dans le contexte de la guerre. Mais également parce que, de fait, l'éducation nationale, avec ses moyens, fait des choix. Et il y a des lieux où ne sont pas scolarisés les enfants qui ne sont pas francophones. Et là, du coup, c'est au SFJA de s'en occuper. Alors c'est vrai que les formations qui sont mises en place sont très différentes selon les garçons et les filles. Du point de vue des garçons, c'est un encadrement qui est pensé dans le cadre de l'action psychologique, donc qui est très idéologisé, ça c'est clair. Le personnel est un personnel militaire. Et puis progressivement, l'idée, c'est que pour pouvoir justement amener ces garçons du côté de la France, il faut leur donner des perspectives. Du point de vue des filles, c'est une autre formation qui est assurée. Alors il y a toujours quand même l'idée de les amener du côté de la France, mais disons que la prégnance de l'action psychologique est pratiquement absente. Et donc là, les objectifs sont doubles. D'une part, assurer un enseignement dans le domaine de l'alphabétisation et d'autre part un enseignement non professionnel mais qui est un enseignement ménager qui en France donc existe aussi en métropole dans la perspective de former de bonnes ménagères tout en les amenant du côté d'un modèle féminin qui est celui de la femme française idéalisée mais avec certains ajustements. Mademoiselle, vous êtes venue à ce centre d'enseignement des monitrices de la jeunesse d'Algérie. Pourquoi ? 11 septembre 1960, Paris vous parle. Je suis venue dans ce centre pour travailler, pour être monitrice et partir après dans l'Algérie. Vous avez quel âge, mademoiselle, s'il vous plaît ? 18 ans. Et vous vous prénommez comment ? Fatia. Et vous êtes originaire de quelle région en Algérie ? Belgium. Oui. Et vous allez repartir en Algérie dans quelques jours ? Oui, on va partir le 15. L'école de Nantes, elle ouvre dès l'été 59. Et là, c'est une formation qui est extrêmement, je dirais, solide, approfondie, qui dure entre 6 et 9 mois, selon les promotions, qui a pour finalité à la fois donc de remettre à niveau, sur le plan de l'enseignement général, ces jeunes filles qui ont une formation scolaire minimale. La formation minimale, c'est le certificat d'études, mais généralement, elles ont un certificat d'aptitude professionnelle, elles ont un CAP couture. Bon. Donc, il y a une remise à niveau, une formation dans le domaine de la pédagogie, et puis un enseignement très solide dans le domaine de l'enseignement ménager. Je suis arrivée à Nantes avec ma promotion. Alors, votre arrivée à la caserne Richemont, là, c'est une caserne. Là. Oui, là, tout à fait. J'imagine que vous prenez conscience tout que c'est militaire. Fait. Oui, alors, bien sûr, tout à fait. Hein. Ils étaient tous magnifiques. oui, j'étais un petit peu étonnée et on m'a bien précisé que de toute façon, les militaires étaient à part. Et ce qui était exact, hein, on n'était pas incorporés avec l'armée. On était civils, mais il y avait, comment dirais-je, le matin à 6h30, eh ben, la sonnerie, et puis en short, en survêt, en petite foulée, on descendait faire la séance de décrassage. Après, on faisait la douche, se doucher, le lit au carré, important. Et puis après, eh ben, c'était le lever de couleur. Alors, dès le départ, on était dans une chambrée où il y avait deux Françaises de souche européenne et deux Françaises de souche nord-africaine. L'idée, c'est de recruter dans toutes les communautés d'Afrique du Nord, donc autant communautés nord-africaines, berbérophones, arabophones, que au sein de la communauté pieds-noirs, dans la perspective d'organiser des équipes mixtes qui incarnent cette intégration. L'idéal, ce serait 2/3 arabophones, berbérophones, 1/3 pieds noirs. Dans les faits, c'est moitié-moitié, à peu près. Le rôle de ces monitrices, c'est de travailler à l'alphabétisation, d'enseigner, et de travailler avec des enfants et des adolescents qui sont, a priori, arabophones ou berbérophones, monolingues. Donc, la langue, elle est absolument essentielle. On comprend très bien, parce que c'est pas possible hein, d'enseigner à des enfants qui ne parlent pas le français si vous-même, vous n'avez pas de minimum de connaissance de leur langue. Mademoiselle Julien, quel est votre rôle vis-à-vis de ces jeunes filles ? Bien, tout d'abord, évidemment, m'occuper de certains soins, et ensuite leur donner des cours de secourisme, hygiène, et puis de culture. qu'elles sont destinées à réapprendre également aux femmes musulmanes dans les douars. Nadette Guérin, alors vous étiez formatrice dans cette fameuse école qui formait donc ces jeunes monitrices qui allaient partir faire de la fébétisation, retourner en Algérie, dans le but, entre guillemets, voilà, de former des jeunes filles, oui, des femmes, même parfois des enfants. On était 19 militaires, tout à peu près dans les mêmes âges, sauf une ou deux plus âgées. Et on était en équipe, on a formé des équipes de deux monitrices. Et là, on nous dit, voilà, on va encadrer des jeunes Algériennes et on va les répartir par équipe. Bon, il y avait des professeurs qui sont venus donc pour faire français, histoire, géographie, et puis enseignement ménager et puériculture. Donc ça, c'était des professeurs de l'extérieur qui venaient faire les cours. Nous, on encadrait les filles jour et nuit, d'une part, et on a été affectés à des animations. Alors bon, on pouvait aller à la couture, on faisait de la peinture, on faisait du modelage, on faisait des ateliers de ce genre. Moi, j'étais bonne à rien dans tout ça, je faisais ma parole. Enfin, il y avait le sport. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au sport. On était deux au sport, Nadette et Mimi. Alors ça, c'était un duo qui tous les matins à 6 heures sonnait le réveil pour aller faire le dérouillage. Et vous, alors, les cours qui vous ont marqué en particulier, Colette? Moi, c'était le français, pas tellement. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était tout ce qui était l'aspect culture générale, que nous ne pouvions pas voir chez nous, c'est-à-dire la découverte du théâtre, la découverte de la musique, du chant. Le chant, on l'avait quand même à l'école. C'était tout cet environnement qui était enrichissant. On voulait les aider, on voulait... Bon, on n'a peut-être pas toujours réussi, hein. Certainement pas, mais notre envie était là. Je pense qu'elles étaient contentes des cours aussi, hein. Il y avait des cours intéressants, qu'elles apprenaient des tas de choses. Et les couscous, alors c'était chacun son tour. Elles nous faisaient la cuisine, alors là on était invités à y manger. Alors il y avait le couscous algérois, le couscous oranais, constantinois, on y avait droit. C'était sympa. Il y avait un respect, oui, des cultures aussi, des religions, des interdits alimentaires. Il n'y avait pas de porc, par exemple. Non, jamais. Il n'y avait pas d'alcool, pas de porc. Et on faisait le ramadan. Alors quand il y avait le ramadan, nous on grossissait parce qu'on mangeait normalement. Puis on partait la nuit, chacune notre tour, manger avec elle. Donc on remangeait. Le général de Ségonzac va maintenant baptiser la promotion des jeunes monitrices de la jeunesse d'Algérie. La deuxième promotion du CELJA a choisi pour nous un lycée. L'acceptez-vous ? Et en fait, alors elles expliquent, oui, pour la plupart, que pour elles, c'est l'émancipation. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris, parce qu'on voit en fait une palette des ressorts d'engagement qui est plus étendue. La question du patriotisme, elle existe, un petit peu. Hein. Certaines sont objectivement, donc, elles veulent faire quelque chose. Je dirais, c'est pas forcément un engagement politique qui est affirmé, mais elles veulent faire quelque chose, elles veulent agir. Bon. Souvent, c'est dans des perspectives professionnelles. C'est-à-dire que la société algérienne, que l'on soit dans une communauté ou dans l'autre, fait que pour une femme, eh bien, c'est très difficile de pouvoir espérer quelque chose en matière d'avenir professionnel et en matière d'études. Et là, le SFJA leur offre cette opportunité d'avoir un diplôme, d'avoir une formation et d'avoir un métier. Et d'être payé, et d'avoir des salaires qui sont en effet beaucoup plus intéressants. Et puis, il y a aussi une démarche qui relève d'un engagement social ou d'un engagement humanitaire. Et une quatrième motivation qui m'a beaucoup surpris, qui n'est pas systématique, mais que l'on retrouve quand même assez régulièrement, c'est une démarche d'émancipation personnelle. La volonté de la jeune fille qui a 17, 18 ans de pouvoir quitter sa famille ou quitter son village et qui voit dans le SFJA la possibilité en effet de s'émanciper. Colette Garcia-Arnardi, Donc, alors vous allez être affecté dans une zone, un peu. Mais beaucoup de monitrices. Parce qu'il faut savoir que le SFJA a été créé et les monitrices ont été recrutées pour aller dans des endroits là où l'éducation nationale ne pouvait pas assurer la sécurité des enseignants. Donc, nous, on était, mais personne ne nous l'avait dit, hein. Peut-être on nous l'a dit, j'ai oublié, j'en sais trop rien. On était envoyés en majorité dans des zones interdites. Et dans les villages de regroupement, c'est ça? C'est ça, dans les villages de regroupement. Sidi Barthi était situé dans la forêt de Medroussa, où il y avait beaucoup de rebelles. Et donc, c'était entre Tcharet et Frenda. Et c'était tous les paysans qui habitaient, c'était des bergers, hein. Et donc ils ont été tous installés dans ce village de regroupement, en sachant que ce village de regroupement, il y en a eu 1000 qui ont été construits en Algérie. Et dans ces villages, eh bien, les gens avaient l'eau à la maison, il y avait une petite infirmerie, il y avait les CFGA pour les enfants, et ça c'était pas fait d'une manière neutre, hein. Ces villages de regroupement ont été faits pour justement essayer de couper la population d'éventuels engagements avec des rebelles, voilà. Vous, Marie-Jeanne Simon-Villalva, après votre formation, vous êtes affectée en Algérie et vous êtes affectée dans un endroit pas très facile. Hein, pas très facile. À Cassaigne, c'est ça? À Cassaigne. Alors. Et j'ai appris beaucoup plus tard que c'était le repos du FLN, cet endroit. Alors, c'était pas très facile. Quand vous êtes arrivée, alors c'est un village, c'est une petite ville? Un village assez important quand même, et entouré de douars. Les douars, c'est les petits villages arabes, hein, avec des huttes, voilà. Et l'école était déjà pleine, il y avait déjà 32 élèves, après j'en ai recruté encore quelques-unes. J'avais une élève qui avait 27 ans, qui n'avait pas le droit d'être là, mais... Vous l'accueillez? Je l'ai accueillie et je l'ai gardée. Elle voulait tellement apprendre à écrire et à lire le français. J'ai eu quelques soucis avec elle parce qu'elle ne voulait pas sortir en récréation. Elle préférait que je lui donne de la lecture. D'ailleurs, elle voulait pas faire de la couture non plus, je crois. Pas de couture, pas de l'ensemble de choses. Et elle me reprochait de faire l'histoire de France et la géographie de France. Elle dit, pourquoi vous nous faites ça? Il faut nous faire la géographie d'Algérie. Elle avait un peu raison, mais moi, c'était le programme. Il fallait que je fasse ça. Avec le recul, vous pensez que c'était une jeune femme qui était aussi engagée, peut-être politiquement, ou qui s'est engagée, Même quelques temps après, j'ai senti qu'elle était de l'autre côté, qu'elle était du côté du FLN. Parce que à 27 ans, elle aurait dû être mariée. Et puis, elle voulait apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, comment on fait une lettre? Pourquoi vous ne nous apprenez pas à faire des lettres? Pourquoi? Alors, j'ai senti qu'ailleurs, elle faisait autre chose. Vous, alors, collègue Garcia-Renardi, vous allez devoir recruter vos filles? On a recruté, mais très, très peu. Hein. Par contre, lorsque nous avions des élèves absentes, c'est là où nous avions un rôle important. J'allais avec ma collègue Aïcha, on allait dans le Doir. Et dans le Doir, on allait récupérer nos gamines. Et là, on était reçus dans les familles, très gentiment. Et on mettait en pratique ce qu'on avait appris à Nantes. Parce que en Algérie, il y avait beaucoup de trachomes. Vous savez, quand on a une maladie aux yeux, où on peut devenir aveugle. Et donc, on avait toujours dans notre cartable du coton hydrophile, du mercurochrome, et puis la couture, les tricots. Parce que il fallait montrer. Et donc, quand on allait dans les mishtas, les femmes nous posaient beaucoup de questions. Bon, moi, je parle pas l'arabe, hein, mais Aïcha le parlait couramment, et le français pareil. Et donc, elle traduisait. Et toujours les questions qui revenaient, souvent, c'était, mais comment vous, deux filles, comme ça, vous êtes seules, vos parents vous ont laissé partir, comment vous pouvez travailler avec tous ces messieurs qui sont à côté? Et surtout, elle demandait le salaire. Alors là, c'était montré que, on avait le même salaire. Parce que on n'a pas eu une action psychologique, ou peut-être qu'elle était faite d'une manière diffuse. Moi, je crois qu'avec le recul, c'est ce que je réalise. Mais on nous a pas inculqué des manières, voilà, ostentatoires, voilà, un peu de faire de la propagande. On le faisait naturellement et ça partait tellement d'une bonne volonté, je dirais presque d'une foi. Et donc avec vos filles, alors vous faites quoi? Je crois que vous moi, bon. Je faisais surtout l'enseignement ménager. Aïcha faisait le français avec Réjeanne. Et moi, je faisais tout ce qui était dextérité manuelle, sport, chant, couture. Alors ici, on leur a appris à faire un ourlet rond. Alors après, la broderie, le point de boulogne, le point de tige ici, et le point de reprise, hein. Alors après, le point de chausson, le pavé. Donc il fallait chercher les filles. Le point de croix. Là, c'était tout un problème aussi. Et le feston. Parce que les parents se méfiaient. Jour simple, jour à jourée. Vous savez, mon village était dans une zone opérationnelle. On était à la frontière tunisienne. Donc c'est un peu chaud par là-bas. Et les parents se méfiaient beaucoup, beaucoup. Donc, on allait avec deux, des fois, militaires. On n'allait jamais seul. On était toujours les deux monitrices ensemble, Fatia et moi. Même en rentrant, on ne sait pas ce qui nous attendait, quoi. Bon. Mais on négociait avec le père. La mère, non, elle ne disait rien du tout. Mais si on trouve la grand-mère, surtout la grand-mère paternelle, c'est elle qui commande. Donc, on la met de notre côté et on obtient toujours gain de cause. Et vous saviez ça, Myriam, peut-être plus qu'une monitrice française de souche européenne, hein, parce qu'à l'époque, on dit française de souche européenne et française de souche nord-africaine. Mais vous êtes musulmane, donc vous connaissez le système familial. Je connais ça sans bien connaître, parce que pendant la guerre, tous les petits paysans que j'appelle... Ils étaient dans les Beshtas, comme on dit. Ils les ont regroupés dans un village. Ils ont construit un village spécialement pour eux. Et on appelait ça le village nègre. Donc, je ne connaissais pas cette population, sincèrement. Mais ils étaient bien pauvres. Mais j'ai gardé une chose. Quand on rentre, ils se précipitent de nous faire un café. Même si c'était un café qui a la couleur à peine marron. Mais ça ne fait rien. Ils nous mettent un petit plateau, ils nous posent... La tasse de café avec de la galette, c'est énorme, c'est énorme. C'était pas facile. Un jour, j'ai une fille qui est arrivée en pleurs parce que son frère ne voulait plus qu'elle vienne parce que c'était pas des filles sérieuses qui venaient apprendre à lire et qui allaient à l'école, c'était pas des filles bonnes à marier. Et elle pleurait, elle voulait continuer. Quel âge elle avait ? 16 ans. Et c'était l'âge critique. Alors, je lui ai dit, tu vas dire à ton père que je voudrais lui parler. Et je me suis retrouvée là avec deux hommes, son père et son oncle, et son frère. Alors, le frère, il me tarabusquait en arabe, bien sûr. Vous compreniez un peu l'arabe ? Je comprenais l'arabe, alors ça... Je leur ai dit, c'est comme ça, je sais, j'ai des amis arabes et ça se passe très bien, voilà. Et je leur ai posé des questions. Moi, je leur ai dit, est-ce que vous savez lire ? Aucun des trois ne savait lire ni écrire. Alors, je lui ai dit, alors, comment vous faites pour vos papiers, pour votre correspondance ? Alors, ils m'ont dit qu'ils allaient voir un maître qui leur faisait tous les papiers. Alors, j'ai dit, bien sûr, ce maître, quand vous allez lui raconter quelque chose qu'il va trouver un peu bizarre, il va le raconter à tout le monde. Ils ont pas dit non et ça les a un peu touchés. Alors là, j'ai dit, tandis que votre fille, si vous lui dites de faire une lettre, elle va le garder dans la maison. Et c'est l'oncle qui a dit au père, toujours en arabe, je crois qu'elle a raison parce que dans quelque temps, on va en avoir besoin. Je suis arrivée à Orléansville et... Les jeunes venaient, on allait aussi vers eux, on allait aussi vers leur famille. Moi, j'avais pas de problème puisque je parlais leur langue. Donc, c'était assez facile de les amener vers nous, de les convaincre et eux de convaincre d'autres. Alors, vous vous retrouvez seule au début, c'est ça, dans votre foyer ? Seule, je gérais tout. L'enseignement, c'était bien sûr le français avant tout. Les filles, bien sûr, leur apprendre un petit peu tenir une maison, le rôle d'une femme mariée, donc de savoir coudre, de savoir laver, repasser, de savoir faire la cuisine. Et les parents, ils étaient satisfaits? Alors, ils avaient confiance en vous, je oui, veux oui, dire. Oui. Je n'ai jamais eu de problème avec les parents. On avait deux classes, Fatia et moi. Et puis, à l'arrivée de Nicole Collignon, une troisième classe fut ouverte. Et il y avait une très bonne entente entre nous trois. On avait des filles, ils ont appris à lire rapidement. Mais c'est formidable. En 6 mois, elles lisaient et comptaient. Et en 62, lorsque les foyers ont fermé, il y avait 4 filles de chez nous qui ont passé un concours de paramédical parce qu'elles veulent faire infirmière. Ils ont obtenu. Et ça, c'est une récompense pour nous, je crois, toutes les trois. Continuant sa visite dans la région de Palestron, notre reporter constate aujourd'hui le résultat et les progrès de la pacification de cette région. Un exemple, l'école de la commune d'Amal, près de Beniamran. Le magazine de l'armée, 28 juin 1960. À vous, François Emmanuel. Monsieur Bachat, vous êtes maire de la commune de Amal, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de la création du foyer féminin de Amal? La création du foyer féminin, c'est une très bonne chose. Toutes les femmes sont intéressées à cette œuvre. Et ils ont toute la volonté pour en travailler. Ils ont plusieurs métiers. Ils font la vannerie, la poterie, et ils pourront par la suite faire du tissage. Qui sera bien que tout le monde pourra en profiter dans ces conditions, parce que c'est des choses qui se vendent très bien. Le cessez-le-feu avait très exactement 7 jours, 2 heures et 50 minutes lorsqu'en ce lundi 26 mars, au cœur même d'Alger, un jeune lieutenant de tirailleurs musulmans hurle ce halte au feu. Mais l'ordre se perd dans le fracas de la fusillade qui secoue la rue comme un frisson de mort. Ce sont des minutes d'affolement et de panique. Des minutes où des Algérois, au cœur d'une bataille qu'ils n'avaient pas prévue, courent, s'enfuient et se cachent en criant « on nous tire dessus ». Normalement, c'était les SAS qui nous protégeaient. Donc, alors les SAS, c'est les sections d'administration spéciale. C'est ça. Il y avait un capitaine. Et après, il y avait au centre social, chez nous, le centre CFGA, il y avait un lieutenant qui avait fait Cherchel. Donc c'était, il y avait des militaires, qui étaient là pour vous protéger. Parce que... Protégés, oui. On était protégés. Mais à Coléa, c'est une ville qui était en partie protégée parce qu'il y avait l'école des enfants de troupes. Et vous, le fait qu'il y ait justement les militaires, alors à la fois, bon, ça vous rassurait, ça vous protégeait, mais en même temps, ça signifiait aussi que la situation en Algérie était potentiellement explosive, et elle l'était. Enfin... Vous savez, on était protégés, mais on entendait des coups de feu par-ci, par-là, parce que quand même, dans le Sahel, il y avait des mouvements, hein. Moi, j'avais des élèves dont les pères étaient arrêtés parce qu'ils étaient FLN. J'avais peur. Une fois, j'ai tellement eu peur que j'ai tiré mon matelas pour dormir dans le couloir. Alors, je me suis dit, là, je serai à l'abri des coups de fusil. J'étais toujours seule. J'ai eu 2 aides. Une fois, Mokhtaria, qui est venue, qui est restée 3 semaines, et puis disparue en laissant ses affaires. Et plus rien. Alors j'ai demandé à mon lieutenant, j'ai dit, mais Mokhtaria, on ne sait pas. Bon, mais je vais avoir une autre remplaçante. Oui. Alors là, c'est Myriam qui est venue. Et pareil, au bout de quelques temps, plouf, toute seule. Alors je demandais quand même, qu'est-ce qui se passait? Mais personne ne savait rien. Personne. Personnellement, je me sentais un peu perdue, un peu abandonnée. Si je n'avais été pas épaulée par le commandant de réserve Bonté, qui est devenu mon époux, je crois que je n'aurais pas tenu. Je n'aurais pas tenu parce que c'était très très dur. On était mises dans ces foyers et on n'a plus de lien d'échange, de paroles avec ceux qui nous ont engagés. Elles sont quand même pas mal ballottées hein, par l'institution. L'institution elle-même change, se transforme, elles n'en ont pas vraiment connaissance, elles ne sont pas informées, elles sont mutées, elles passent d'un foyer à un autre et elles ne savent pas qu'entre-temps qu'elles ne sont plus SFJA mais qu'elles sont passées dans les centres sociaux par exemple. Ça démarre dès l'automne 61. Je suis surpris de voir à quel point, on va dire sur le terrain, la confusion est incroyable. Entre novembre 61 et puis avril, mai 62. Bien sûr, c'était la guerre, c'était la peur. Dans le foyer, les soirs, il y a des... Je ne dis pas tout le temps, hein. De temps en temps, on entendait des tirs, des coups de feu des deux côtés. Alors là, on a eu peur, puis le jour se lève, on oublie. Quand je suis au foyer, j'oublie tout. J'oublie tout. Avec les filles, on oublie tout. Ça ne parle pas de politique du tout, du tout, du tout, dans le foyer. Non. Mais en dehors, je savais qu'il y avait De Gaulle, je savais qu'il y a des émeutes, je savais. Mais je ne réalisais pas. Pour moi, comme on appelait à l'époque, c'est des événements. Alors, sans que ça va s'arrêter. Voilà, c'est tout. Non, je ne voyais pas les choses comme je les voyais maintenant. Du tout, du tout, du tout. Il y a des tueries, il y a des trucs. Mais les gens continuent à se côtoyer, à s'aimer. Oui, oui, oui, oui. Français comme arabe et tout. Puis les gens ne parlent pas de peur des deux côtés. C'est l'enclume et le marteau. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de chaque foyer, de chaque famille, mais dehors, tout le monde fait des sourires. Et des, voilà. Même nos supérieurs nous disaient de rester sur nos réserves, hein, de faire attention. On ne sait pas les filles qu'on a, de quel côté elles sont. Un jour, je partais à Mont-Saganem, alors je prenais le bus. Et le chauffeur du car me connaissait très bien. J'avais ma place à côté du chauffeur. Et là, ma place était prise. Et à mon grand étonnement, le chauffeur du car, il n'y a pas dit de se lever. Alors que d'habitude, il lui disait, lève-toi, tu laisses la place. Puis il y en a un qui s'est levé, qui m'a laissé la place au milieu du car. Et puis au bout d'un moment, complètement à la sortie du village, il s'est arrêté. C'était pas un arrêt. Et il est monté deux messieurs, bien habillés, cravatés, attachés caisses. Et ils se sont assis face à moi. Alors là, c'est étonnant parce que tous ceux qui voyageaient dans le car n'étaient pas habillés comme ça. C'était pas naturel. Et puis un peu plus loin, dans les deux mamelles où il y avait souvent des embuscades, le car s'est arrêté de nouveau. Et là, il y a un arabe qui est monté vraiment pas très bien habillé. Et quand il m'a vu, il a eu un instant de recul. Et puis des yeux vraiment à mon égard. Et le gars qui était assis en face de moi, qui avait un attaché-caisse, il lui a dit non, non, mais ça risque rien. En arabe, bien sûr. Ça risque rien, c'est l'institutrice, ça risque rien. Elle sait rien. Alors là, j'ai dit, ouh ! Et puis il y a tendu un mouchoir noué. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà. C'est des collecteurs de fonds. Mais là, je suis fichue. Je regardais la nature, surtout que ce que je devais pas comprendre, ils le parlaient en arabe. Manque de peau, je comprenais tout. Là, j'étais complètement stressée. Et puis, quand on est rentré dans le village arabe, c'était Tijdit, le car est parti dans des sentiers en terre battue, Et ils se sont levés, ces deux messieurs. Ils m'ont tendu la main. Ils sont partis. Celui qui avait à l'entrée sur mon siège est descendu. Quelques jeunes avec eux sont descendus. Et le car a redémarré. Alors là, je vous dis que j'ai respiré et le brouhaha recommençait. Dans le car, il y avait toujours un brouhaha, des rires, des, vous savez, et puis des fois adressés à moi, des plaisanteries. Et là, ça a recommencé. Et quand on est arrivé au terminus, à destination, mon fiancé, qui était désespéré du retard, il a sauté sur le chauffeur, il lui a dit « c'est quoi ce retard, je me suis fait du souci ?» Et le chauffeur lui a dit « écoute, il fait beau, Allah est grand, on est en bonne santé tout le monde, surtout ne pose pas de questions. » Et c'est là qu'on a décidé de mon changement, de demander de partir. Lorsque j'ai donc appris qu'il fallait que je parte, j'ai donc demandé à monsieur Bonté, qui est donc notre directeur, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Donc il m'a dit, de toute façon, je rentre en France aussi. Et on est rentré en France. Donc ça, on est... Quelle date exactement ? 61. Juillet 61, exactement, oui. J'ai été menacée. Alors menacée directement par, oui. Par le FLN, par... Oui, on m'a prié de ne pas continuer. Et votre mari aussi, il peut partir ? Votre mari, à ce moment-là, c'est des militaires ? Oui. Il était de réserve, hein. Il n'était pas militaire de carrière. En tant que militaire de réserve, je pense que c'était la fin de son appel. Donc il est rentré au mois de juillet, je suis rentrée avec lui. Notre dernier jour, je le vois comme aujourd'hui, on ne savait rien du tout. C'était le cessez-le-feu. Bon, nous, le 30 juin, on a fait comme les autres années. Alors donc on a nettoyé notre foyer, on a fait une petite collation avec les filles, tout ça, on a rangé. Et puis le hic, c'est à qui remettre nos clés, parce qu'avant on les remettait au directeur. Madame Collignon est partie, donc on n'est resté que toutes les deux. Notre lieutenant est parti, alors on a réfléchi, on a remis les clés au directeur du collège, qui s'appelait Monsieur Tassard. On lui a dit, voilà, on vous remet le trousseau des clés, mais on les récupère à la rentrée. Et depuis, je ne suis plus retournée, je n'ai plus revu ce foyer, je n'ai jamais vu la couleur des clés jusqu'à ce jour. Et vous partez quand, vous, en fait ? Je suis arrivée fin 62 à Paris. Les jeunes gens qui forment un cercle autour de moi crient « Vive la FLN, vive la FLN, vive l'Algérie !» 5 juillet 1962. Nous sommes portés littéralement par un torrent humain. Mon technicien a bien du mal à tenir son magnéto et nous nous laissons emporter littéralement par cette marée humaine, cette marée algérienne qui ce soir donne libre cours à son enthousiasme. Quand tout le monde est parti, je me suis retrouvée toute seule à Coléa. J'étais descendue à Alger pour savoir quoi. Et j'ai rencontré des camarades de classe, Ouria Saad, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Paul ?» Alors je dis « Mais je faisais partie des CFJA ». Elle me dit « Les CFJA, ils sont devenus centres sociaux ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Tu sais que les centres sociaux font partie de l'éducation nationale ?» Je ne le savais pas. Non, c'était en août, je ne le savais pas. Donc, elle me dit, tu vas monter à l'académie et on va te présenter à l'inspecteur, qui était déjà un inspecteur algérien, mais qui travaille sur la France. Et je suis arrivée, j'ai dit, mais vous savez, je n'ai pas mes diplômes, je ne peux rien vous montrer. Il me dit, vous voyez la porte là ? Tout y est. Donc il y avait eu un transfert évident de dossiers entre... C'était l'éducation nationale, voilà, française. Voilà, qui avait récupéré les dossiers. On faisait partie de l'éducation française. Et au moment de partir, je dis, bon, ben, je vous remercie. Donc, je suis repartie à apprendre aux élèves. Voilà. Moi, je me plaisais en Algérie. Je ne voyais pas la... Bon, ben, c'était l'Algérie, c'est l'Algérie. Tant pis, hein, oui, oui. C'était votre pays, quoi. C'était mon pays, oui, oui, oui. Oui, oui. Le Cap de Villa, alors certaines d'entre elles voilà, vont rester hein, pour continuer en fait, leur travail de monitrice. Oui, la plupart des monitrices algériennes hein, qui, elles, restent et qui ensuite sont intégrées progressivement soit au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, soit au ministère de l'Éducation nationale. Elles ne peuvent pas devenir tout de suite institutrices, ça passe par le biais de la formation continue. Mais un certain nombre de monitrices font carrière en Algérie comme institutrices francophones jusqu'à la fin des années 80. Même chose pour les moniteurs. Et puis d'autre part, un certain nombre de monitrices pieds-noirs, elles, vont rester, mais dans le cadre de la coopération pendant quelques années. La plupart des monitrices pieds-noirs rentrent en France au cours de l'année 62. Certaines dès le début 62, d'autres un peu plus tard, quoi. Mais ceux qui vont rester, est-ce que c'est pas mal vu d'avoir œuvré au sein du SFJA? Ben, je ne sais pas, je dirais apparemment non. Là, je n'ai pas fait d'enquête précise hein, sur cette question, mais je n'ai pas l'impression. C'est-à-dire que l'Algérie indépendante a besoin de cadres, a besoin de personnel formé. Donc, beaucoup d'instituteurs d'enseignants qui travaillent en Algérie après l'indépendance viennent d'Égypte, par exemple. Bon, mais ce n'est pas suffisant. La coopération joue ce rôle hein, pour aider à la transition. Et puis après, il y a en effet un certain nombre de personnels qui ont été formés dans le cadre de l'Algérie coloniale et qui restent et qui intègrent les cadres de l'Algérie indépendante. Et vous, à ce moment-là, vous êtes favorable à l'indépendance, Farida Fred? Est-ce que vous le pensez en ces termes-là? Parce qu'on a compris qu'il y a tellement de violence et tellement d'éléments que vous ne maîtrisiez pas forcément. Hein. Honnêtement, je n'ai pas souffert. Nous n'avons pas souffert matériellement, peut-être pour pouvoir dire « nous voulons l'indépendance » ou « je veux l'indépendance ». Dans notre village, je crois que nous étions pratiquement les seuls, le seul fonctionnaire en tant que musulman. On a reçu une éducation française, une éducation très stricte, très bonne, que je ne regrette pas, bien sûr. Et on n'a pas souffert du tout financièrement pour pouvoir dire vivement l'indépendance. Après, on peut comprendre que pour certaines choses, certains milieux, certains endroits, quand on voit que du Douar, de 5 km, les gamins venaient chercher de l'eau dans la fontaine publique en ayant limolé en sang parce qu'ils ont des bidons de ferraille qui sont plus hauts que leur taille, on peut aussi se dire que ces gens-là... Il y avait une inégalité dans cette société. Absolument, absolument. Peut-être que du coup, cette expérience de monitrice, par exemple, dans ce village, vous êtes restée très peu de temps, mais ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Du coup, ça vous sort de votre milieu un petit peu protégé. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec ce que je sais, j'étais un petit peu en colère de voir que j'ai été utilisée par l'armée pour détourner. Alors ça m'a un peu... Vous avez le sentiment d'avoir été manipulée. Voilà, voilà. Mais je ne regrette pas d'avoir aidé ces filles à apprendre à lire et écrire. Ça, j'en suis contente. Parce que j'ai encore le regard de ces filles quand on... Mais j'aurais aimé savoir pourquoi à l'époque, alors que c'est maintenant que je le sais. Je ne regrette absolument pas. Le côté militaire, je ne pense même pas. Pour moi, on était entouré par des militaires pour notre sécurité parce que l'Algérie était en guerre. Mais tout simplement ça. Hein. Je n'ai pas rencontré une seule fois, même quand je pars en Algérie, les gens qui connaissent plus ou moins le SFJA, dire que le SFJA était considéré comme les harkis, par exemple. Pour eux, le harki avait des armes, donc le harki a fait, ou pas fait, hein. Mais le SFJA, non. Ce sont des femmes et des hommes qui ont œuvré pour pouvoir apporter leur savoir à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le rencontrer plus tôt. Et en même temps, on vous conseille de partir quand même. Oui, parce que je pense qu'il y a eu la part des choses, parce que je n'étais pas la seule à être avertie. J'ai eu d'autres monitrices qui m'ont dit la même chose, qui ont été, ils sont rentrés, ils ont été là, ils étaient menacés, pratiquement presque ligotés, mais avec une peur épouvantable, mais en leur disant « vous partez ». Donc s'ils avaient considéré que c'était des traîtres, entre guillemets, ben, je pense qu'on les aurait égorgés sur place, c'est tout. Hein. Mais je pense que les gens du FLN ont fait quand même leur part en disant elles ne sont pas engagées pour pouvoir tuer, voilà, entre guillemets c'est ça, mais pour pouvoir apporter un savoir. Merci à Luc Capdevila, Farida Freyat, Colette Garcia-Ranardi, Nadette Guérin, Myriam H., Paul Le Saffre et Marie-Jeanne Simon Villalva. Merci également à Rosemarie Garcia. Prise de son, Gaëlle Braouzec, Inès De Bruyne, Sandrine Malon et Georges Thau. Mixage, Alain Joubert. Des femmes au service de la formation des jeunes filles dans la guerre d'Algérie, un documentaire de Sévin Liattard, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Voilà pour ce documentaire des femmes au service de la formation des jeunes filles dans la guerre d'Algérie que vous pouvez bien entendu réécouter sur le site internet de France Culture mais également discuter ou débattre avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en nous suivant sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous continuerons cette année 1958 en Algérie en nous intéressant à l'internationalisation du conflit.